Viens de Seine-et-Marne, ouais, pas de cinéma. Pas comme certains, moi, je m'invente pas de vis et bad. Pourquoi, pour être crédible, faut jouer les bandits? Maintenant les tendres jouent les dingues, tandis que les gens mentent dans l'ensemble. Ça se ressent dans un sens, vu que tout se ressemble, quoi, on se sent grandi. On reste vrai quand on parle, nous au paix. Quand on passe en paix, quand on part frais, quand on brasse. Mon milieu rural n'empêche pas les vidéos. Somme en l'air remplace le bitume dans nos vidéos. Rap old school dans les gènes, style alléchant. Studio dans les champs, esclave du son sans les chaînes. J'suis pas un ouf, écoute un peu le talent que j'ai. Pourtant j'viens de la campagne, là où tous les blocs sont allongés. Exilé loin de la ville, on perd pas le nord. Dans la vie dure de se faire repérer, mais on perd pas le mort. 77, est-ce pour le lointain? Nous sommes les gosses de l'ombre plongés dans l'anonymat. Marre de l'image que colporte l'animal. Talentueuse équipe, loin d'être une vingtaine. 77, est-ce pour le lointain? Nous sommes les gosses de l'ombre plongés dans l'anonymat. Marre de l'image que colporte l'animal. Talentueuse équipe, loin d'être une vingtaine. Malgré pas mal de thèses, de tours, beaucoup de bandes séparent nos villes. Dans mon département, la haine n'a pas épargné nos vies. Le rap me fait pas graille. J'taffe, appelle-moi Smicard, la fiche de PQ, ça le son donc c'est pas grave. Les guérillas entre villes, on sait ce que c'est. Le petit préfère être hospitalisé que s'excuser, frère. Lunatique tempérament, un jour on kiffe, un jour on veut se barrer d'ici, une zone instable apparemment. L'actualité en Seine-et-Marne, une mare de sang. Plus sur nos mains du sang, nos mères en ont marre de ça. 514 communes, plus d'1 200 000 habitants, toutes les compras, HLM, PAFTA, résident. Dans le 77, il existe des milliers de pensées, mais 209 d'entre elles refusent de danser. En effet, on a notre place sur la carte. Et quand on sortira, on fera plus de bruit qu'un AK. 77, est-ce pour le lointain? Nous sommes les gosses de l'ombre plongés dans l'anonymat. Marre de l'image que colporte l'animal. Talentueuse équipe, loin d'être qu'une vingtaine. 77, est-ce pour le lointain? Nous sommes les gosses de l'ombre plongés dans l'anonymat. Marre de l'image que colporte l'animal. Talentueuse équipe, loin d'être qu'une vingtaine. Allez leur dire, chez moi la haine est en expansion. L'amour reste en convalescence, mon rap j'suis en extension. Pour me faire un nom, moi la chance j'ai pas besoin d'elle. Le jour où j'tends le dos frère, c'est que j'suis dead. Décidé à faire péter le côté est de la rive. Belle avec la rue, c'est plus taffé quand tu sors de la rue. Le placard j'le connais pas, mais j'vois la route qu'il faut emprunter. Business braquage et vite teinté. Laisse-nous passer, nous les gosses de l'ombre. Révolutionnaire 77, style jeune homme. Sans équivoque, TER, Clan, Carléon 2091, des balles, flow hors normes. On n'est pas des falches, je le répète. Preuve, les grosses caisses dans nos clips, on nous les prête. 77, S dans le lointain, c'est chez nous. Le crime, les ricanes, c'est nous. 77, S dans le lointain. Nous sommes les gosses de l'ombre plongés dans l'anonymat. Marre de l'image que colporte l'animal. Talentueuse équipe, loin d'être une vingtaine. 77, est-ce pour le lointain? Nous sommes les gosses de l'ombre plongés dans l'anonymat. Marre de l'image que colporte l'animal. Talentueuse équipe, loin d'être une vingtaine.